12 bâtons sont déposés devant toi. Sans vie, sans sève, sans avenir. Et dans le silence de la nuit, ta puissance choisit d'agir. Celui d'Aaron fleurit soudain. Il porte boutons, fleurs et fruits. Tu montres que l'appel vient de toi et non du désir de l'homme qui fuit. Tu fais fleurir ce que tu as choisi, même dans la sécheresse du doute. Fais fleurir ce que tu as choisi, même quand tout semble sec, que ta vie traverse nos déserts et parle plus fort que nos échecs. Fais fleurir ce que tu as choisi, que ton appel soit confirmé et que la vie jaillisse de ton doigt là où l'homme pense est terminé. Le bâton témoigne devant l'arche comme un souvenir pour les générations, que ta voix n'est pas une compétition mais une élection portée par ton nom. Et la peur saisit le cœur du peuple que tu as choisi. Fais fleurir ce que tu as choisi, même quand tout semble sec, que ta vie traverse nos déserts et parle plus fort que nos échecs. Fais fleurir ce que tu as choisi, que ton appel soit confirmé et que la vie jaillisse de ton doigt là où l'homme pense est terminé. Ce que tu appelles, tu le fais vivre.